les fleurs de coronille. Le soir, j'allais m'asseoir sur le rond de l'olivier, sur la mousse chaude et moelleuse qui le recouvrait. Près de là, poussait de la coronille, recouverte de fleurs, aux jeunes éclatants. J'y mettais mon nez, et telle une abeille, savourait le parfum chaud et sucré, tandis que le vent me soufflait sa plus douce haleine. Les bégonias.